d'accord avec ça. Quand j'entends à la télé le pape dire n'importe quoi, again no, je ne suis pas d'accord avec ça. Si t'es d'accord avec moi, oui, lève bien ton bras. Again, again, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand j'entends à la télé le pape dire n'importe quoi, again no, je ne suis pas d'accord avec ça. Si t'es d'accord avec moi, oui, lève bien ton bras. Au nom du Père, du Fils et de la connerie, je viens relater ce que le pape Benoît XVI a dit. Mes bien chers soeurs, mes bien chers frères, écoutez ce qui suit. L'amour protégé n'est pas fiable à 100%, je vous dis. L'église catholique ne tolère pas la capote. La religion veut nous mettre bien profond la carotte. Même Christine Boutin est content avec son pote. Le sida s'amplifie, mais moi à qui la faute. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand je vois à la télé la justice faire n'importe quoi, again no, je ne suis pas d'accord avec ça. Si t'es d'accord avec moi, oui, lève bien ton bras. Again, again, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand je vois à la télé la justice faire n'importe quoi, again, no, je ne suis pas d'accord avec ça. Si t'es d'accord avec moi, oui, lève bien ton bras. Je suis saoulé à l'Erignac, forte odeur d'ammoniac. La justice perd ses marques, quand Sarko contre-attaque. Le verdict, une grande claque, dans ma tête, un impact. La justice est une pute et dominée par son Mac. Procès équitable ou pas, regarde bien dans les médias. Dans le cas de Colonna, otage pour la raison d'état. Une bombe, un attentat, bien pire que ceux de l'ETA. Je mettrai bien la cagoule, même en majeur, je lève bien droit. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand j'entends à la télé les médias dire n'importe quoi, again no, je ne suis pas d'accord avec ça. Si t'es d'accord avec moi, oui, lève bien ton bras. Again, again, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand j'entends à la télé les médias dire n'importe quoi, again no, je ne suis pas d'accord avec ça. Si t'es d'accord avec moi, oui, lève bien ton bras. Même leurs infos au JT sont falsifiées et pratiquent la langue de bois. Le peuple tire la langue mais ça ne les touche pas plus que ça. Des gendarmes dehors sous des tentes quand il fait froid. Les familles n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Toi tu trimes pour un salaire, t'es esclave de l'État. Les banques ont des milliards, je ne sais pas si tu sais ça. Le chômage monte en bourse, sa cote n'est pas au plus bas. Regarde en Martinique, ils nous ont montré la voie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand je vois qu'à la télé on nous baratine à tout va. Again no, je ne suis pas d'accord avec ça. Si t'es d'accord avec moi, oui, lève bien ton bras. Again, again, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand je vois qu'à la télé on nous baratine à tout va. Again no, je ne suis pas d'accord avec ça. Si t'es d'accord avec moi, oui, lève bien ton bras. Hey yo, je ne suis pas d'accord avec ça, ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Hey, hey, hey, hey, hey, hey.